ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc nous entamons inshallah un nouveau cours concernant l'écrit du Cheikh Saleh Ibn Sa'd al-Suhaymi حفظه الله تعالى qui s'intitule مذكرة في العقيدة, un rappel précis concernant le dogme. Et nous nous sommes arrêtés au chapitre de Tawhid al-Uluhiyya wal-Ibadah, l'unicité d'Allah dans la divinité et l'adoration. Et si vous vous souvenez, il y avait une page manquante qu'on a retrouvée, alhamdoulilah, quelques pages plus tard. Donc, inshallah, on va reprendre le début de ce chapitre qu'on a vu hier pour le compléter avec la page qui suivait ce passage-là. Donc, le Cheikh Hafizallah dit Tawhidul Uluhiyya wal Ibadah. C'était le deuxième point. Donc, l'unicité d'Allah dans la divinité et l'adoration. Wa huwa Tawhidullah bi af'alil ibad allati khalaqahum laha wa awjadahum min ajliha. كالصلاة والصوم والذبح والنذر والاستغاثة وغير ذلك من أنواع العبادة بمعنى صرف جميع أنواع العبادة لله وحده لا شريك له فلا يدعى من دونه أحد من خلقه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فمن صرف شيئا منها لغير الله فهو مشرك كافر كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. Cette unicité, cette partie d'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'on se doit d'unifier Allah dans nos œuvres à nous. Ceci concerne les œuvres des adorateurs, qu'ils ne doivent adorer que lui seul, sans rien lui associer. Cette adoration pour laquelle Allah leur a donné existence, pour laquelle Allah les a créés, comme la prière, le jeûne, l'immolation, le vœu, la demande de secours, et plein d'autres formes d'adoration. Ceci veut dire que toutes ces adorations, on se doit de les diriger pour Allah, de les réaliser pour Allah subhanahu wa ta'ala seul, qui n'a pas d'associé. Donc on n'a pas le droit d'invoquer autre que lui parmi ses créatures, même pas un ange rapproché ni un prophète envoyé. Et quiconque donnerait une adoration à autre que Allah, il devient en faisant cela un polythéiste et un mécréant. Comme Allah, le Très-Haut, nous dit dans le Coran, dans le sens du verset, dit, certes ma prière, mon immolation, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes, qui n'a pas d'associé. Voilà ce qui m'a été ordonné et je suis le premier des soumis. Et Allah dit aussi dans le sens du verset, et celui qui invoque une autre divinité que Allah, sans en avoir aucune preuve, il n'a aucun argument qui viendrait légitimer son action, alors son jugement sera auprès de son Seigneur. Certes, les mécréants ne réussiront pas. Ça, c'est la partie qu'on a vue hier. Et la suite, le cheikh dit, hafidhahullah, وهذا النوع من التوحيد أعني توحيد الألوهية هو الذي حصلت فيه الخصومة بين الرسل وأممهم. Cette partie du monothéisme qu'on appelle l'unicité d'Allah dans la divinité et dans l'adoration, c'est sur cette question précise qu'a eu lieu la discorde, qu'a eu lieu les problèmes entre les messagers et leur peuple. C'est-à-dire que ce n'est pas sur la question de la seigneurie, ce n'est pas sur la première partie du monothéisme qu'il y a eu discorde, qu'il y a eu problème entre les prophètes et messagers et leur peuple. Ce n'est pas parce que les prophètes ont dit à leur peuple « Allah existe » ou « Allah, il est le seul à créer, à pourvoir, à donner la vie, à donner la mort » qu'il y a eu des problèmes. Car cette partie du monothéisme, ils y croyaient, ils en avaient la conviction. Là-dessus, il n'y avait pas de problème. Mais c'est sur la suite qui est l'unicité d'Allah dans la divinité. De vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est là où les peuples avaient un souci, avaient des problèmes. C'est là où ces peuples, ceux qui se sont endurcis dans leur mal et dans leur péché, n'ont pas voulu accepter l'invitation et le rappel de leurs prophètes et de leurs messagers. لأن أكثر المشركين الأولين كانوا يعترفون بأنه لا خالق ولا مدبر إلا الله. Car la majorité, la plupart des polythéistes premiers, anciens, reconnaissaient qu'il n'y avait de créateur, qu'il n'y avait de gérant de la création que Allah. ولكنهم يشركون معه في العبادة. Mais avec cette reconnaissance, ils en arrivaient à associer à Allah dans l'adoration. Ils n'associaient pas à Allah dans la seigneurie, mais dans l'adoration, ils associaient à Allah subhanahu wa ta'ala. ولكنهم يشركون معه في العبادة غيره زعما منهم أن هؤلاء الشركاء يكونون شفعاء لهم عند الله كما حكى الله ذلك عنهم بقوله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Mais ils ont associé à Allah dans l'adoration autre que lui en prétendant que ses associés sont les intercesseurs. C'est-à-dire que en adorant autre que Allah, ils ne les adoraient pas pour eux-mêmes. Car ils savaient que ce n'était pas eux qui avaient créé, qui pourvoient, qui donnent la vie, qui donnent la mort, qui décident de toutes choses, qui gèrent la création. Non. Mais ils les adoraient pour se rapprocher d'eux, pour quelle raison? Pour que ces divinités intercèdent en leur faveur auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Voilà leur prétention. Et voilà la réponse qu'ils ont donnée lorsqu'ils ont cru que ce qui leur était reproché, c'était l'adoration de ces divinités pour elles-mêmes. Donc ils ont légitimé cela en disant au prophète, vous ne nous avez pas compris. Nous, ces idoles, ces divinités, on ne les adore pas pour elles-mêmes. Car on sait qu'elles-mêmes, elles n'ont rien de la seigneurie. Elles n'ont aucune partie de la seigneurie. Mais on les adore parce qu'ils sont rapprochés d'Allah. Parce qu'ils sont alliés d'Allah. Parce qu'ils sont intimes d'Allah. C'est des awliya. Donc, on se rapproche d'eux parce que nous, on est tellement des pécheurs, on est tellement loin d'Allah qu'on a besoin d'intercesseurs, qu'on a besoin d'intermédiaires. Mais cette réponse n'a pas été acceptée. Et au final, qu'ils aient adoré ces idoles, ces divinités, directement pour elles-mêmes, ils les avaient comme objectif, ou ils les ont adorés pour qu'ils les rapprochent d'Allah, au final, c'est la même chose et le même résultat. Ils ont commis du polythéisme majeur. Et subhanallah, combien dans nos pays d'origine, dans les pays musulmans, dans beaucoup de pays, beaucoup de contrées, les gens donnent des adorations à des tombes, à des mausolées, qu'on prétend être les tombeaux de personnes considérées comme des saints. Si réellement cette personne était une personne vertueuse, une personne pieuse, ses actions seront bénéfiques pour eux-mêmes. Ils ont bien agi dans ce bas monde, et cela auprès d'Allah leur sera, si cela est accepté, leur sera bénéfique. Mais ces gens-là, ils viennent vers eux en considérant qu'ils se sont des proches d'Allah. Regardez la ressemblance. Qu'ils sont proches d'Allah. Et qu'ils veulent d'eux qu'ils intercèdent auprès d'Allah. Ils cherchent d'eux l'intercession. Et c'est pour cela que lorsque tu viens les voir, soit ils te disent, toi tu n'aimes pas les pieux, tu n'aimes pas les saints, tu n'aimes pas les vertueux. C'est-à-dire que celui qui empêche le polythéisme, c'est qu'il déteste la vertu, wal'iyadhu billah. Il déteste les bonnes actions, wal'iyadhu billah. Ou alors, comme les premiers, ils prétendent ou croient que tu n'as pas compris leur action. Ah, mais toi tu crois qu'on les adore eux-mêmes? Mais non. Nous on fait tout ça pour que eux intercèdent pour nous. Quelle est la différence entre cette réponse et la réponse des premiers? Subhanallah, c'est la même. La même chose, il n'y a rien de nouveau. C'est l'histoire qui se répète. Sous d'autres formes, où certains pensent que le polythéisme interdit, c'est lorsque cela est donné l'adoration à de la pierre ou de la terre. Mais si c'est un humain, il n'y a pas de problème. C'est pour cela que le cheikh en explication, il dit, même pas un ange rapproché, ni un prophète envoyé. Donc le polythéisme, c'est de vouer un culte, de donner une adoration à autre que Allah, quel qu'il soit, et quelle que soit la place qu'il a auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala, il n'est pas en droit d'être adoré. Lorsque les chrétiens ont été considérés comme des mécréants et des polythéistes, quelle est la raison? Ils ont voué un culte à qui? Issa, c'est plus qu'un homme vertueux. C'est un prophète et un messager d'Allah. Alayhi salatu wassalam. Parmi les 5 plus grands messagers, dotés de résolutions fermes, qu'on appelle Ulul Azm min ar-Rusul. Et avec cela, ceux qui l'ont adoré en dehors d'Allah sont devenus polythéistes et sont devenus mécréants. Et s'ils prétendent qu'ils aiment Issa plus que nous, ils mentent. Et aimer quelqu'un ne veut pas dire l'adorer. Le seul qu'on aime et on adore, c'est notre Créateur, subhanahu wa ta'ala. Et l'amour qu'on donne à Allah, personne n'est en droit de le recevoir. Les juifs, ils sont devenus polythéistes en adorant en dehors d'Allah Al-Uzayr. Al-Uzayr est un homme pieux parmi les enfants d'Israël. Mais leur amour pour cet homme exagéré les a amenés à l'adorer en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, jusqu'à prétendre qu'il est le fils d'Allah. Et plus tard, les chrétiens prétendront que Isa est le fils d'Allah, alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala, jamais il n'a été engendré et jamais il n'a engendré, subhanahu wa ta'ala. Et jamais Allah n'a eu de compagne. Ça, c'est un mensonge proféré par leur langue. Comme Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, « وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ إِبْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ إِبْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِ قَاتَلَهُمُ اللَّهِ أَنَّا يُؤْفَكُونَ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابَ مِنْ دُنِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Et les juifs ont dit que l'Uzel est le fils d'Allah. Et les chrétiens ont dit que le Messie est le fils d'Allah. Voilà les mensonges proférés par leur langue. En faisant cela, ils ne font que ressembler à ceux qui les ont précédés parmi les mécréants. Qu'Allah les combatte pour ce qu'ils ont proféré comme mensonge. Ils ont fait de leurs savants et de leurs adorateurs des seigneurs en dehors d'Allah, ainsi que le Messie, fils de Marie, alors qu'il ne leur a été ordonné que d'adorer une seule divinité digne d'être adorée, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a point de divinité digne d'être adorée en dehors de lui. Gloire à lui, qu'il soit purifié pour ce qu'ils associent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il nous parle de ce qui se passe le jour du jugement dernier, lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala va juger les créatures. Et chacun ira vers ce qu'il adorait sur terre en dehors d'Allah. Et ils seront jetés au final dans le feu de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Il restera une partie des juifs, des chrétiens et les véritables croyants. Allah appelle les juifs et leur dit, « Qu'est-ce que vous adoriez sur terre ?» Ils répondront, « Nous adorions l'Uzair, le fils d'Allah. » Allah leur dira, « Vous mentez. Allah n'a jamais eu de compagne ni d'enfant. » Puis, il sera ordonné qu'il soit pris et jeté dans le feu de l'enfer. Puis Allah appelle les chrétiens et il leur dit, « Qu'est-ce que vous adoriez sur terre ?» Ils répondront, « Nous adorions le Messie, Isa, fils d'Allah. » Allah leur dira, « Vous mentez. Allah n'a jamais eu de compagne ni d'enfant. » Et l'ordre sera donné qu'il soit jeté dans le feu de l'enfer. Et les seuls qui seront sous la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa clémence, ce sont les véritables croyants, les véritables monothéistes. Et c'est pour cela qu'il est faux de prétendre ou de dire qu'il y a trois religions monothéistes. Premièrement, Allah n'a jamais révélé plusieurs religions. Allah n'a révélé qu'une seule religion. Et cette seule religion, c'est la soumission. Allah ordonne qu'on se soumette à lui. Et la soumission en arabe, c'est l'islam. Et al-muslim, c'est celui qui se soumet. Et voilà la soumission sur laquelle étaient tous les prophètes. Depuis le premier prophète, qui est le père de l'humanité, Adam, alayhi salam, il est venu avec l'islam. Ses enfants sont venus avec l'islam. Idris, alayhi salam, il est venu avec l'islam. Et Nuh, alayhi salam, qui fut prophète et qui fut le premier messager, en plus d'être prophète, il a été rasoul. C'est le premier. La différence entre un prophète et un messager, comme l'explique Cheikh Mohamed Nasruddin al-Albani, rahimahullahu ta'ala, le grand muhaddith et le grand savant de ce siècle, rahimahullahu ta'ala, il dit, le prophète, c'est un homme élu par Allah subhanahu wa ta'ala. choisi par Allah pour lui révéler. Donc il lui est fait révélation. Mais il n'a pas de nouveau message. Il n'a pas de nouvelle législation. Il n'a pas de livre à transmettre. Mais il transmet la législation qui l'a précédé. Il vient confirmer le message qui lui a précédé. Ça, c'est un prophète. Et parmi ces prophètes, il y en a qu'Allah tabaraka wa ta'ala élève au degré de messager. Rasoul. Et Al-Rasoul, lui, il a une nouvelle législation et il a un livre qui lui est révélé. Et les ulama disent, tout prophète n'est pas obligatoirement messager, mais tout messager, avant d'être messager, il est prophète. Et il est rapporté qu'il y a eu près de 124 000 prophètes. Parmi eux, près de 315 messagers. Et le premier messager, c'est Nuh alayhi salam. La raison, comme le dit Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, ما بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم كانوا على الإسلام. Après la mort de Adam alayhi salam, le père de l'humanité, jusqu'à l'époque de Nuh alayhi salam, les gens, ils étaient sur l'islam. Il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait que l'islam. Et le plus grand péché, le plus grand crime abominable qu'Allah ne pardonne pas, qui est le polythéisme, n'existait pas. Et la première fois qu'il est apparu, c'est dans le peuple de Nuh alayhi salam. Donc il s'est écoulé 1000 ans. Adam alayhi salam a vécu 960 ans. Alayhi salam. Allah lui avait écrit de vivre 1000 ans. Il a fait don de sa vie de 40 ans pour son descendant Daoud alayhi salam, comme il est rapporté dans le hadith, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a créé Adam, il a essuyé sur son dos et il a sorti toute sa descendance du premier jusqu'au dernier en forme d'atome, et il a demandé à Allah sur l'un de ces atomes qui était Daoud alayhi salam. Il a dit, c'est qui? Il lui a dit, c'est un de tes descendants qui s'appelle Daoud. Il lui a dit, oh mon Seigneur, tu ne lui as pas donné beaucoup à vivre. Il lui était écrit de vivre 60 ans. Il a dit, je fais don de 40 ans de ma vie pour lui. Donc Daoud, lorsqu'il viendra sur terre, il vivra 100 ans. Alayhi salatu wassalam. Lorsque l'ange de la mort, il est venu prendre l'âme de Adam, alayhi salam, Adam, il s'est rappelé qu'il devait vivre 1000 ans. Et il a dit à l'ange qu'il n'a pas encore fini les 1000 ans. Et il lui a dit, as-tu oublié le jour où tu as donné 40 ans de ta vie à ton descendant Daoud? Le prophète Mohammed a dit, Adam a oublié ce jour-là et depuis sa descendance, elle oublie. Puis il s'est écoulé 10 siècles. Est venu le peuple de Nuh alayhi salam. Et dans ce peuple, il y avait 5 hommes vertueux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ce sont des hommes vertueux, des saints, des bonnes personnes. Et ils avaient un endroit où ils s'asseyaient, où ils se rassemblaient. Puis lorsque ils sont morts, Shaytan est venu chez certains d'entre eux de ce peuple. Et il leur a dit, si vous ne faites pas, vous ne fabriquez pas des statues à leur effigie, en mémoire de ces hommes, pour se rappeler des biens de ces hommes et de la piété de ces hommes, vous allez les oublier. Faites des statues quand vous passerez à côté et mettez-les à l'endroit où ils avaient l'habitude de se rassembler. Lorsque vous passerez à côté, cela va vous rappeler la vertu et les bonnes œuvres. Ça va être un encouragement pour vous. Il n'aura pas dit, faites-le pour les adorer. parce qu'ils ne connaissent pas l'adoration donnée autre que Allah. Mais Shaitan, Allah lui a donné un répit. Et il reste vivant jusqu'à la fin du monde. Depuis le début, il est là, Shaitan, en train de travailler pour égarer les enfants d'Adam. Et là, c'est un moment propice dans lequel il va faire tomber l'humanité dans le péché qu'Allah ne pardonne pas. Donc, il n'espère pas trop dans cette génération. Mais les générations à venir, il y a espoir qu'il tombe dans le polythéisme. Donc, lorsque cette génération qui a construit ces statues a disparu, sont morts, d'autres générations sont arrivées, avec plus d'ignorance et moins de science. Et Shaitan leur a dit, « Pensez-vous que vos ancêtres et vos parents passaient comme ça devant ces statues ?» Ils les invoquaient en dehors d'Allah, et ils croyaient en eux. Et ils venaient avec des offrandes. Et ils se sont mis à le faire. Et là, le polythéisme est né. Donc Allah tabaraka wa ta'ala envoya un homme parmi eux, qui est Nuh alayhi salam. Et il fut prophète et messager, parce que son message, c'est de ramener les gens à nouveau au monothéisme. Ce dans quoi ils étaient au début. Donc au tout début de l'humanité, c'était le monothéisme. Nos premiers ancêtres étaient monothéistes. Le polythéisme est venu qu'après. Je parle à des gens croyants et qui ne dépensent pas des milliards pour savoir d'où est-ce qu'on vient, à chercher exactement d'où vient l'humanité. Nous, on a déjà la réponse. On n'a pas besoin de dépenser d'argent là-dessus. On sait que notre ancêtre, c'est Adam. Et son épouse, c'est Hawa, alayhim assalam. On ne descend pas du singe. Ça, c'est une théorie. En plus, ça porte bien son nom, c'est une théorie. Une théorie, ça veut dire que ce n'est pas une vérité. On croit que, il se peut que, hein, théorie inventée par un juif, et il est beaucoup à croire que lui-même, il n'y croyait pas, mais il a participé dans l'égarement de l'humanité en faisant cela. Ou alors, Allahu A'lam, il a pris connaissance que dans les anciens des enfants d'Israël, il y en a qu'Allah a changé en porc et en singe. Mais en oubliant que ces porcs et ces singes, qui étaient à l'origine des humains, n'avaient pas de descendance. Ils mouraient ainsi. C'était une punition d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais jamais l'être humain descend du singe. Et l'homme n'était pas courbé comme un singe, puis après il est devenu debout. Tout ça, c'est des inventions qui n'existent pas. Subhanallah. Un véritable chrétien, un véritable juif, il le sait. Sur cette question-là, il le sait que c'est faux. Il le sait que notre ancêtre, c'est Adam et Ève, alayhim assalam. Tayyib. Maintenant, oui, mais ils ont trouvé des fossiles, des os énormes. Subhanallah, il se peut qu'il y ait eu des animaux qui étaient énormes. Il où le problème? Qu'il y ait eu des dinosaures, il où le problème? Qu'Allah a créé des animaux et on les a pris aujourd'hui. Allahu alam. On n'a pas de textes religieux qui nous disent qu'il y avait ces animaux. Mais maintenant, si jamais on y a des traces comme quoi il y en avait, il où le problème? Ça veut dire que l'homme, il était sage. Subhanallah, quel est le lien? Il n'y a pas de lien. Mais il y a une chose qu'on est sûr, c'est que les humains étaient énormes à l'époque. Et Adam alayhi salam, il mesurait 60 coudées dans le hadith, c'est-à-dire près de 30 mètres de haut. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans un hadith, que les gens n'ont cessé de descendre en taille, de baisser en taille, jusqu'à la taille qu'on connaît. Donc, le fait qu'il y ait les gens étaient grands et énormes à l'époque, il se peut que les animaux aussi étaient énormes. Ce n'est pas un problème, ça. On n'a pas à s'attarder là-dessus. Mais ça n'a rien à voir avec la théorie qu'ils nous ont inventée pour égarer les gens. Et un croyant ne peut accepter ce genre de choses. Et il n'y a aucun doute que ce n'est que pur mensonge. ont-ils participé à la création? Ont-ils été témoins le jour où Allah il a créé la création? Subhanallah. Tayyib. Nuh alayhi salam a prêché à son peuple pour les faire revenir au monothéisme. Pendant 950 ans. Les 950 ans, c'est la période de prêche dans son peuple. C'est pour ça que les ulama ils disent qu'il a vécu plus que ça. Parce qu'avant d'être prophète, il a vécu. Et après le déluge, il a vécu. Il est mort bien après le déluge. Mais les 950 ans, c'est la période passée en da'wah dans son peuple. Alayhi salatu wassalam. Et il leur a fait le prêche matin et soir, en secret et en public. Il a fait tous les efforts pour les amener à la droiture et au monothéisme. Et comme Allah le dit dans le Coran, وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. Mais très peu ont cru. Très peu ont cru. Les ulama, lorsqu'ils essayent de chiffrer le nombre de personnes qui ont cru en Nuh, le maximum, c'est 80 et quelques personnes. C'est-à-dire que le nombre n'a jamais été une preuve de vérité. Et comme vous le savez, Yom al-Qiyamah, les prophètes viennent devant Allah subhanahu wa ta'ala avec ceux qui ont cru avec eux. Vient le prophète avec son peuple. Comme qui? Non, tout son peuple. Younus alayhi salam. فَلَوْلَا قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَ إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسْ لَمَّا آمَنُوا. Ils étaient plus de 100 000. Tous ils ont cru en Younus. Ça c'est le peuple de Jonas, Younus alayhi salam. Et le prophète s'attend dans un hadith, il nous dit, viendra le prophète avec son peuple, avec une partie de son peuple. Après il dit, avec deux, un, viendra le prophète avec personne. Tout son peuple n'a pas voulu accepter. Personne ne prêche mieux qu'un prophète. L'exemple même parfait, c'est celui des prophètes. Mais le résultat du prêche n'est pas entre les mains des créatures. Mais c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui guide qui il veut et il égare qui il veut. Le prophète Mohammed sallam a prêché. Certains ont cru, certains n'ont pas cru. Et il a prêché et prêché à son oncle Abu Talib. Et il est mort en tant que polythéiste. Et Allah lui révèle, « Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. » Certes, tu ne guides pas qui tu aimes. C'est ton oncle. Le lien de famille, c'est un amour familial. Mais c'est Allah qui guide qui il veut. Donc le fait qu'on ne réponde pas favorablement à ton appel ne veut pas dire que tu es dans le faux. Le fait qu'autour de toi il n'y a pas grand monde ne veut pas dire que tu es dans le faux. Certes, tu te dois de faire accompagner ton prêche de tout ce qui est meilleur, comme bonne parole, comme bonne action, bonne attention, sincérité. Tu facilites l'entrée dans la vérité et dans la vraie prêche des gens, mais en faisant tout cela, tu n'as aucune garantie que la personne va accepter ou ne va pas accepter. Donc, ils se trompent, les tendances ou les sectes qui sont fiers de leur nombre, mais ils ne savent pas, ou ils savent, mais ils font exprès de ne pas savoir, que si le nombre était une preuve, eh bien sachez qu'il y a moins de musulmans que de non-musulmans sur terre. Donc est-ce que ça veut dire que les non-musulmans ont raison et les musulmans ont tort? طيب, à l'intérieur du cercle de l'islam, les gens de la vérité sont peu nombreux par rapport au nombre de gens égarés dans les sectes et dans les tendances et dans l'ignorance. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont dans le faux? Non. Et n'est-ce pas qu'Ibrahim alayhi salam, à un moment donné, il est seul avec sa femme. Et il n'y a personne comme croyant sur terre. Subhanallah. Puis, après, les gens ont commencé à entrer dans la religion. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit à son peuple qu'il est prophète, au début, il est seul. Puis il y a son épouse. Puis il y a Abu Bakr. Et petit à petit, mais au début, le nombre, il n'est pas là. Subhanallah. Donc le nombre, ne vous fiez pas au nombre. Si c'est la quantité, les musulmans ne manquent pas de quantité. Mais ils manquent de qualité. C'est pas la quantité qui manque. Parce que comme vous regardez, comme les sahaba, ils ont dit, lorsque le prophète Hassan, il dit, les peuples s'attaqueront à vous comme la bête féroce s'attaque à sa proie. Ils ont dit, est-ce qu'on sera peu nombreux ce jour-là? Ils l'ont demandé. Est-ce que le jour ça va arriver? On sera peu nombreux? Il dit non. Vous serez ce jour-là nombreux, mais vous serez semblables à l'écume de l'océan. À l'écume de l'océan. Tayyib. Puis donc, Nuh alayhi salam les invita au monothéisme. Et là, dans son peuple, c'est la première fois qu'est apparu le polythéisme. Et la première apparition du polythéisme, c'est dans l'adoration des morts, les tombeaux. Première apparition du polythéisme, c'est lié au tombeau. C'est le premier polythéisme terrestre. Parce qu'après, il y aura d'autres formes de polythéisme, comme le polythéisme céleste, lié à l'adoration des astres, des planètes, du soleil, de la lune, et ainsi de suite. Mais la première apparition, et beaucoup de polythéisme, on le retrouve dans l'adoration des tombes. Et regardez ce qui se passe dans le monde islamique. Et les prétendants à l'islam, qu'est-ce qu'ils adorent en dehors d'Allah? C'est les tombes et les morts. Wal'iyadu billah. Allah dit dans le Coran, dans Surat Nuh alayhi salam, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَصْرَ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا. Et ils ont dit, le peuple de Nuh, ne délaissez pas vos divinités. Et ne délaissez pas Wad et Suwa' et Yarouth et Ya'ouq et Nasr. Ces cinq noms, Wad, Suwa', Yarouth, Ya'ouq, Nasr, cités dans le Coran, ce sont les noms de ces hommes pieux qui ont été adorés par le peuple de Nuh. Eux, ils sont pieux et ils sont innocents de ce qu'on fait ce peuple. Mais eux, avec cette action, ils sont devenus polythéistes. Wal'iyadu billah. Et depuis, tous les prophètes et messagers avertissent leur peuple et les mettent en garde contre le polythéisme. Et ils les invitent au monothéisme. C'est la priorité des priorités. La première des choses à laquelle on appelle. Et tu te dois toute ta vie vivre selon ce monothéisme. Et toutes tes œuvres ne pourront être acceptées que selon ce monothéisme. Le prophète alayhi salatu wassalam dit: Ya qawm, qulu la ilaha illallah tuflihu. Le prophète sallam dit: Au peuple, dites la ilaha illallah et vous réussirez. Le prophète alayhi salatu wassalam dit: Man qala la ilaha illallah, لا يريد بذلك إلا وجه الله حرم الله عليه النار. Celui qui dit la ilaha illallah, ne cherchant par là que la face d'Allah, Allah lui interdit le feu de l'enfer. من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة. Celui qui dit la ilaha illallah par véracité de son cœur entrera au paradis. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. Celui dont la dernière parole de ce bas monde est la ilaha illallah entrera au paradis. لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول لا إله إلا الله. L'heure ne sonne pas alors que sur terre il y a encore une personne qui dit la ilaha illallah. Donc, ils ont prétendu que ces associés qu'ils ont donnés à Allah dans l'adoration sont des intercesseurs auprès d'Allah pour eux. Comme Allah nous le cite bien dans le Coran, dans le sens du verset, et ceux qui ont pris en dehors de lui des alliés, en prétendant qu'il ne les adore que pour qu'ils les rapprochent d'Allah. ولذلك بعث الله الرسل جميعا بالدعوة إلى توحيد الله الخالص. Et c'est pour cela qu'Allah a envoyé tous les messagers pour appeler à l'unicité d'Allah pure. كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Comme Allah le dit bien dans le sens du verset, et tout messager qu'on a envoyé avant toi, nous lui avons révélé que nul n'est en droit d'être adoré sauf moi, adorez-moi donc. وَإِذَا نَظَرْنَا إِلَى الْفَرْقِ بَيْنَ مُشْرِكِ هَذَا الزَّمَانِ وَمُشْرِكِ الزَّمَانِ الْأَوَّلِ وجدنا أن مشرك هذا الزمان أشد كفرا من المشركين الأولين. Et si nous venons à regarder d'un bon œil l'état ou la situation des polythéistes de notre époque par rapport aux premiers polythéistes, aux anciens polythéistes, on remarquera que les polythéistes contemporains d'aujourd'hui sont bien plus mécréants que les premiers. ذلك لأن المشركين الأولين كانوا يشركون بالله في الرخاء ولكنهم يلجؤون إليه ويؤمنون به في وقت الضيق والشدة والكرب. Pourquoi ? Parce que les premiers, les anciens polythéistes, ils étaient polythéistes, ils associaient à Allah dans les moments faciles. Mais dans la difficulté, dans le besoin et la nécessité, alors à ce moment-là, ils étaient sincères envers Allah et ils avaient une croyance ferme en Allah. قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Allah le Très-Haut dit dans le sens du verset, et lorsqu'ils montaient sur leur bateau, leur barque qu'ils avaient à l'époque, ils avaient peur des tempêtes, du vent, des vagues, ils avaient peur d'être noyés. Et ils savaient que lorsqu'ils étaient dans l'eau, ils n'étaient pas à l'abri de tout cela. À ce moment-là, ils invoquaient Allah sincèrement. Et ils savaient qu'à lui seul appartient la religion. Mais dès qu'Allah les sauvait et les amenait à la côte et qu'ils quittaient la mer, à ce moment-là, ils retournaient au polythéisme. Et ils retournaient à ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah. Ils se sentaient à l'abri de tout danger. Ils avaient quitté la mer. Mais lorsqu'ils étaient en plein milieu de la mer, Alors là, ils ne connaissaient plus leur divinité. Ils n'appelaient plus aucune idole, mais ils ne faisaient appel qu'à Allah lui seul, subhanahu wa ta'ala. Voilà l'état des premiers polythéistes. Comme Allah, tabaraka wa ta'ala, le créateur à qui rien n'échappe, il connaît tout ce qu'il y a dans sa création, subhanahu wa ta'ala, qu'il soit apparent ou caché. Il nous dit, voilà la situation de ces gens. Lorsqu'ils sont dans des moments de faiblesse, de difficulté, ils ne connaissent plus de divinité en dehors d'Allah. Mais dès qu'ils se sentent à l'abri, alors à ce moment-là, ils retournent à leur mal et au polythéisme. أما المشركون في هذا الزمان فإنهم يلجؤون إلى غير الله ويدعونه في الرخاء والشدة على حد سواء. Mais les polythéistes de notre époque, ceux-là en reviennent à autre que Allah et ils les invoquent dans les moments faciles et difficiles. Pour eux, les moments faciles, les moments difficiles, les moments de nécessité, c'est semblable. Dans tous leurs états, quelle que soit la situation, ils invoquent et ils espèrent en autre que Allah, tabaraka wa ta'ala. Et il n'y a pas besoin de s'attarder là-dessus. Ça, c'est une chose que nous-mêmes, sans chercher, on le voit tous les jours. Allez dans nos pays, allez dans des villages, dans les montagnes. Allez regarder les gens, ce qu'ils font. Soyez avec eux dans un bateau, soyez avec eux dans un car. Le car, il bouge, ils ont peur de tomber dans le ravin. Et écoutez un peu ce qu'ils font et ce qu'ils disent. Wal'iyadu billah. Combien de fois ils appellent un sidi, ils appellent un shir, ils appellent un wali. Subhanallah. Alors des moments semblables pour les premiers polythéistes, ils ne connaissaient que Allah seul. Donc ils sont dans un mal bien plus grand. Wal'iyadu billah. Les premiers arabes, c'était des purs arabes. Attention, être pur arabe ne te fait pas entrer au paradis à lui seul. Il faut être croyant et monothéiste avec. Mais c'est pour dire que les arabes vers lesquels le prophète était envoyé, ils n'avaient pas besoin de traducteur. Et il comprenait chaque terme, qu'est-ce qu'il voulait dire. Et c'est pour cela que les sahaba sont les plus grands croyants. Lorsque l'un d'entre eux a dit « La ilaha illallah », il délaissait tout ce qui était adoré en dehors d'Allah. Il savait ce que cette parole voulait dire. Et qu'est-ce qui découle de cette parole. Et quelles sont les annulations, barakallahu fikum. Ce serait bien d'écouter le dars et de ne pas discuter. Jazakumullahu khairan. Donc, il savait. C'est pour cela que lorsque le peuple de Quraysh ne pouvait pas la dire. Parce qu'il savait qu'en disant la ilaha illallah, ils se devront d'arrêter d'adorer autre que Allah. Et c'est pour cela que lorsque le prophète les a invités à la ilaha illallah, ils s'enorgueillaient. Par fierté, ils n'acceptaient pas. Comment ça? On doit adorer que lui seul? On n'adore plus les statues? Non, c'est inacceptable. Ils l'ont compris. Car c'était des Arabes avec une langue claire et évidente dans laquelle le Coran a été révélé. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. Lorsqu'il leur était dit لا إله إلا الله, ils s'enorgueillaient. Et ils ont dit quoi? أجعل الآلهة إلها واحدة. إن هذا لشيء عجاب. A-t-il fait de toutes les divinités une seule divinité? Tout ce qu'on adore, ces innombrables divinités, au final, on doit tout délaisser pour une seule divinité. Voilà une chose bien étrange. Et aujourd'hui, combien de musulmans, matin et soir, répètent la ilaha illallah, mais au même moment, ils commettent tout ce qui annule la ilaha illallah, en invoquant autre que Allah, en espérant en autre que Allah, en adorant autre que Allah. Wal'iyadu billah. Et après, vous entendez des sectes venir dire le tawhid, c'est une question de 10 minutes. Wal'iyadu billah. Le prêche des prophètes et ils disent nous, on veut l'islam. Mais c'est la preuve comme quoi ce n'est pas l'islam qu'ils veulent. Ou alors, on va être gentil, ils ignorent qu'est-ce que l'islam. Parce que si jamais ils le font en le sachant, c'est grave. 10 minutes. Mais de parler de politique, c'est toute ta vie. De participer à la politique, ça c'est toute ta vie. Subhanallah. Regardez l'innovation, où est-ce qu'elle emmène. Et vous avez des gens qui disent, oh, je ne comprends pas, il lui dit comme ça, lui dit comme ça, lui dit comme ça. Qui dit vrai? Subhanallah, réfléchis un peu. Apprends le prêche des prophètes. Subhanallah, tu n'as pas encore compris que tout est basé sur le tawhid, que rien n'est accepté sans le tawhid. Dès que tu as appris ça, tous ceux qui te font reculer, éloigner du tawhid, tu es censé savoir qu'ils sont dans le faux. Et tous ceux qui te rapprochent du tawhid, et qui t'invitent au tawhid, et qui insistent sur le tawhid, ils ont une grande part de vérité. Subhanallah. Et combien sont-ils les gens qui appellent au mal? Jusqu'à même à vouloir faire des discours sans verset et sans hadith. Il y en a un, il s'est cru intelligent. C'est Tariq Ramadan. Il a dit, dans une de ses paroles, il y en a qui te disent, dans ton discours, pour qu'il soit islamique, il faut qu'il y ait des versets et des hadiths. Mais excusez-moi, il se peut que je fasse un discours sans verset et sans hadith et il est en conformité avec l'islam. C'est une vraie parole, mais derrière c'est le faux qui est voulu. Parce que quelqu'un peut dire des phrases qui sont en conformité avec l'islam, avec le Coran et la Sunna. Mais pourquoi il dit ça? Pourquoi il le dit? Pour qu'il n'y ait plus de personne qui vient lui dire quelle est ta preuve sur telle et telle chose. Et que les gens partent sur l'idée comme quoi obligatoirement on a une preuve. Wal'iyadu billah, pour induire les gens en erreur. Wal'iyadu billah. Allahul Musta'an. Il cherche tout moyen pour induire les gens dans l'erreur. Lui déjà il l'est, mais ça ne lui suffit pas. Il faut qu'il induise les autres aussi dedans, qu'Allah nous en préserve. طيب puis le cheikh nous dit حفظه الله فانت تجد الواحد منهم يتوجه الى الصنم او الى صاحب القبر يساله كشف الكروبات وازاله الملمات ويستغيث به ويطلب منه العون والمدد فضلا عما يقدم له من الذبح والنذور كما هو الحال عند القبوريين الذين لا هم لهم إلا العكوف عند المقابر يطوفون بها ويرجون من أهلها قضاء حوائجهم لذا يقول قائلهم إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. Donc tu vois bien que l'un d'entre eux, de ces polythéistes, lorsqu'il se dirige vers une idole ou vers un habitant de la tombe, quelqu'un qui est enterré, un idole, voilà, même les koufars ils emploient ce terme-là, mais soi-disant dans un sens positif, ils disent leurs idoles, c'est-à-dire les stars. Hein, parmi les chanteurs ou les acteurs, ah lui c'est mon idole, wal'iyadu billah. Hein, vous l'entendez? Et ceux qui font ça, on les appelle comment? Les fans. Et fan est un diminutif de fanatique. Le mot fan vient de fanatique. C'est-à-dire que c'est des fanatiques. Puis après, ils viennent dire quoi? Les fanatiques de Dieu, wal'iyadu billah. Subhanallah. Allahu Akbar. C'est grave. Alors qu'eux-mêmes, ils se reconnaissent en tant que fanatiques. Pourquoi? Pour des idoles, des humains. Parmi les pervers. Parce que dans le cinéma ou la chanson, c'est que de la perversité. Il n'y a rien de bien là-dedans. Et ils essaient de leur ressembler. Mais ça, c'est normal. Quelqu'un qui fait la même coupe de cheveux, il s'habille de la même manière que tel chanteur, tel acteur, c'est normal, c'est la mode. C'est acceptable. Tu veux imiter le prophète? Ils disent non, ça c'est arriéré. Ça c'est. Voilà. Mais le mot arriéré, ils l'emploient que quand ils veulent. Quand ils veulent rappeler que leur racine chrétienne, on pourrait dire aussi, mais c'est arriéré, c'était avant, puis maintenant. Non, ça c'est pas arriéré. Hein, subhanallah. Quand ils veulent se rappeler de quelque chose, ça c'est pas un mal. Oui, avant il n'y avait pas ça. Oui, subhanallah. Ajib, yani. Allahul Musta'an. Où est-ce que ça amène l'égarement? Allahul Musta'an. Tayyib. Donc, lorsqu'il se dirige vers une idole, un mort dans sa tombe, lui demandant de le soulager de la détresse, du mal qu'il est en train de vivre, ou de le secourir, et en lui demandant aussi de l'aide, sans oublier que certains d'entre eux ne viennent pas les mains vides, mais ils viennent avec des présents, des offrandes. Entre parenthèses, ils savent très bien que ce n'est pas le mort qui va les prendre, hein. Mais c'est ceux qui sont autour de la tombe, hein, les descendants ou les gens qui prétendent que celui qui est enterré, il fait partie de leur famille. C'est eux qui profitent de tout cela. Subhanallah. C'est un commerce en même temps. Sans oublier ce qu'ils ramènent comme immolation ou bêtes qu'ils ramènent vivantes pour égorger. Alors les bêtes qui sont égorgées dans ces endroits, elles ont deux situations. Elles ont deux situations. S'il égorge pour Allah, mais il le fait dans cet endroit, c'est une bid'a. C'est une bid'a. Parce qu'il a fait l'immolation pour Allah. Il n'a pas fait pour le mort. Il a dit au nom d'Allah. Mais le fait de l'avoir ramené à cet endroit et de croire que c'est demandé de le faire à cet endroit, cela le rend cette chose-là bid'a, innovation. Et s'il le fait au nom du mort, alors là, c'est du polythéisme majeur. C'est du polythéisme majeur. Donc, quand quelqu'un vous dit, par exemple, « Mais non, tu te trompes. Nous, quand on va là-bas, on n'égorge pas pour lui. On dit « Bismillah, c'est pour Allah. » Il a oublié une chose. Ton action, soit tu l'as fait pour le mort, alors là, c'est grave pour toi. Tu es tombé dans le polythéisme majeur. Ou soit tu l'as fait pour Allah, mais tu as agi dans une manière qui est contraire à la sunna du prophète sallam. Et tu as précisé un lieu qui n'a pas été précisé par le prophète alayhi salatu wassalam. Donc ça devient une innovation. Dans les deux cas, c'est un mal. Seulement, il y a un mal plus grand que l'autre. Et il ramène donc des présents. Comme c'est l'état, comme c'est l'état même des adorateurs des tombes. Et combien ils sont nombreux, combien. Au Maroc, à titre d'exemple, il y en a plein dans les anciennes villes. À Fès, c'est rempli. Il y a même une émission qui passe à la télé pour vous parler de tous ces tombeaux qui sont adorés en dehors d'Allah. Et comme quoi c'est des saints et je ne sais quoi et encore. Subhanallah, pour pousser les gens à le faire. A'udhu billah. Parce qu'ils voient qu'il y a beaucoup de gens qui n'y vont plus. Donc il faut refaire. Comme si les gens étaient dans l'erreur. Vous avez oublié votre religion. Comme si c'était ça la religion. Subhanallah. Comme si c'était ça, as-salaf. C'est pas ça, as-salaf. Donc, ça, à titre d'exemple, en Algérie, en Tunisie, en Égypte, n'en parlons même pas. Il y a plus d'un million de personnes qui habitent dans le cimetière du Caire, en plein milieu des tombeaux. Wal'iyadhu billah. Comme si c'était un lieu où il faut habiter. Ça, c'est un lieu pour les morts. Plus d'un million de personnes habitent dans le cimetière du Caire. Wal'iyadhu billah. Ils vivent avec les morts, en espérant en eux, en les invoquant dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Après, ils se plaignent de leur situation. Ils se sont éloignés d'Allah. Wal'iyadhu billah. Ils ont oublié Allah, Allah les a fait oublier eux-mêmes. Tayyib. Comme c'est l'état des adorateurs des tombes, qui n'ont comme ambition que de rester dans ces lieux pour tourner autour de ces tombes. Il y en a, ils vont dire, mais c'est quoi le mal de tourner? Tu n'as pas à tourner autour d'une tombe. Parce que si tu tournes autour d'une tombe, c'est un acte d'adoration. C'est une circumambulation. Et la circumambulation n'est autorisée que dans un seul endroit, sur terre. C'est autour de la Kaaba. Allah, il a dit, وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. Et qu'il tourne autour de la demeure antique, c'est-à-dire la Kaaba. C'est le seul endroit. Et le tawaf, c'est une ibad qu'on ne doit qu'à Allah, et comme nous l'a enseigné le prophète, alayhi salatu wassalam, et elle se fait autour de la Kaaba. Et ils espèrent en ces morts pour qu'ils répondent à leurs appels. Et c'est pour cela qu'on entend l'un d'entre eux dire, lorsque vous êtes fatigué dans vos demandes, alors vous devez de vous diriger vers les morts dans leur tombe. والله سبحانه وتعالى يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. Et quel est le plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah, celui qui ne pourra pas lui répondre jusqu'au jour du jugement dernier. Et ils sont insouciants de leur appel et de leur demande. Et lorsque les gens seront ressuscités, ils seront des ennemis pour eux. Et ils mécroiront en leur adoration. Et les morts qui sont dans leur tombe ne possèdent rien pour leur propre personne. Comment pourraient-ils le posséder pour autre? Comme il est dit, celui qui ne possède pas une chose ne peut la donner. فَإِذَا كَانَ لَا يَمْلِكُ نَفْعًا لِنَفْسِهِ فَمِنْ بَابِ أَوْلَى وَأَحْرَى. Donc si il ne possède rien pour sa propre personne, sachez qu'en premier lieu, il ne possède rien pour les autres. Mais le bien et le mal, le bénéfice et la nuisance ne sont qu'auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala. قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. Allah dit le Très-Haut dans le sens du verset, si Allah te touche par un mal, personne ne pourra l'enlever. Et s'il te touche par un bien, c'est que lui, il est capable de toute chose. Les gens sont arrivés à un degré d'égarement tellement pire que ceux d'avant qu'ils ont associé à Allah dans la seigneurie. Ils ont associé à Allah dans la seigneurie. Et on retrouve cela souvent chez les soufis dans cette, sur ces questions-là. Et combien sont touchés par le soufisme, wal'iyadhu billah, jusqu'à prétendre que ce qui a sauvé l'islam dans les pays musulmans pendant la colonisation, c'est le soufisme. Faux! Jamais, mais plutôt, disons la vérité, une des grandes raisons pour laquelle les musulmans ont été affaiblis et l'ennemi a pu prendre possession de leur terre, c'est la présence du soufisme qui a fait oublier la véritable religion aux gens. Et au lieu de faire attacher les gens à leur Seigneur, ils les ont fait attacher aux créatures. Wal'iyadhu billah. C'est le soufisme qui est la cause. Et le soufisme Il en est arrivé à un stade où il allait être délaissé. Et le colonisateur a fait revivre, a participé à la revivification du soufisme. En faisant renaître le soufisme, al-iyadu billah. Et ces gens-là étaient même pour la présence du colonialisme, puisque le colonialisme leur donnait une certaine importance et une certaine légitimité. Wal-iyadu billah. Des gens qui prétendent qu'il y a autant de chemins qui mènent à Allah que d'âmes existantes. On est plusieurs milliards, il y a plusieurs milliards de chemins qui mènent à Allah. Wal-iyadu billah. Alors qu'Allah dit dans le Coran, wa anna hadha sirati mustaqiman. Et voilà mon chemin droit, un seul chemin. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Guide-nous vers le droit chemin. Un chemin seul sur lequel était le prophète ainsi que ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Le soufisme n'est pas une matière irreligieuse à étudier comme les autres matières, comme le hadith, tafsir, l'arabe et ainsi de suite. Non. La spiritualité, elle existe dans l'islam. Et l'islam nous enseigne l'intérieur et l'extérieur. Et ils vont de pair. Mais ce n'est pas ça le soufisme. Qu'on ne nous fasse pas croire que le soufisme, c'est la spiritualité. Si ce n'était que la spiritualité, on n'avait pas besoin de ce terme, qui est étranger à l'islam. Que dire que le soufisme, c'est le pur égarement. Et une des grandes causes du mal qui existe dans la communauté. Wal-iyadu billah. Ils te disent, tu dois étudier la religion, mais ce n'est pas ça vraiment qui est voulu. Et au même moment, tu dois avoir un shir qui te prend par la main pour t'emmener vers Allah. Vers Shaitan plutôt. Wal-iyadu billah. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, voilà le chemin droit d'Allah. Et les autres chemins, à la tête de chacun d'entre eux, il y a un diable qui y appelle. Ce sont des chemins déviants. Wal-iyadu billah. Et ils te disent, sois devant ton shir comme le mort devant celui qui le lave. Vous avez vu le mort, quand il est allongé, il ne bouge plus. Celui qui le lave, il le bouge comme il veut. Ils veulent que tu sois devant le shir ainsi. Wal-iyadu billah. Et que tu aies une confiance totale en ton shir. Il ne te pose pas trop de questions, car lui, il a des connaissances que personne n'a. Jusqu'à prétendre que les walis connaissent ce que les prophètes ne connaissent pas. Que les walis ont entrepris l'océan là où les prophètes se sont arrêtés au bord. Sont entrés dans un océan et ont été dans les profondeurs là où les prophètes se sont arrêtés au bord. Wal-iyadu billah. Comme les chiites qui disent sur leurs imams, bien que les imams en sont innocents, qu'ils ont atteint un degré que n'a pu atteindre un prophète envoyé ni un ange rapproché. Wal-iyadu billah. Et les soufis, il y en a parmi eux qui ont été dire que le degré de wali, comme eux ils le comprennent, comme eux ils l'expliquent, il est au-dessus du prophète. Wal-iyadu billah. Sachez une chose, que toute personne est wali. Contrairement à ce que disent les soufis. Al-wali, c'est l'allié. C'est l'intime. C'est le proche. Wal-wali fait partie des noms d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Wa huwa al-waliyul hamid. C'est un nom d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et les gens sont soit wali d'Allah, soit wali de Shaitan. Il n'y a pas de troisième. Soit tu es un allié d'Allah, ou soit tu es un allié de Shaitan. Vous avez un ouvrage qui explique cela, et je pense qu'il a été traduit en français, si je ne me trompe pas, de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, qui s'appelle Al-Furqan Bayna Awliya al-Rahman wa Awliya al-Shaytan. La distinction entre les alliés du Tout Miséricordieux et les alliés de Satan. Ils en sont arrivés à prétendre que les saints, ils ont atteint un degré qui s'appelle la certitude, al-yaqin. Et celui qui a atteint ce degré n'a plus besoin d'adorer Allah. Et ils ont ramené comme preuve « Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin » et « Adore ton Seigneur jusqu'à que te vienne la certitude. » L'importance que lorsqu'on dit le Coran et le Sunna, ça ne suffit pas, comme disait Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Car tout le monde prétend suivre le Coran et la Sunna. Mais le Coran et la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Comment salaf ils ont compris le Coran et la Sunna, c'est la véritable compréhension. Et Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il disait que si salaf ramenait deux explications pour un verset, on sait que on a deux explications pour un même verset, tu n'as pas le droit de ramener une troisième explication. Subhanallah. Tu te contentes de leurs explications. Lorsque Adi ibn Hatim Adi ibn Hatim al-Ta'i radiyallahu anhu a mal compris un verset coranique lorsqu'il a entendu wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr, et mangez et buvez jusqu'à que vous apparaisse le fil blanc du fil noir de l'aube. Il a pris un fil blanc et un fil noir. Et il les a mis en dessous de son oreiller. Dès qu'il peut voir le fil blanc, ça veut dire qu'il pourra arrêter de manger et de boire. Il se devra d'arrêter de boire et de manger. Lorsque cela est parvenu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit non, c'est pas ça. Est-ce que Adi, il a dit, ah ben moi je l'ai compris comme ça. Non, devant toi c'est le prophète. L'explication du prophète, il n'y a plus d'autre explication. Subhanallah. Ça n'existe pas, cette façon de parler. Ah ben moi je le comprends comme ça. On ne t'a pas demandé de comprendre comme ça. On te demande de comprendre comme eux ont compris. Car le véritable islam, c'est l'islam sur lequel ils étaient. Et vous en avez un. Il est à Lyon, je ne sais pas s'il est encore à Lyon. C'est un shir d'une tariqa soufiya qu'on appelle la Naqshbandiya. Et leur shir, il est à Damas. Et lui, c'est le représentant. Un frère qui était chez eux, alhamdoulilah, il s'en est repenti il y a très longtemps de cela. Une fois, tellement qu'il était à fond dedans, il a demandé à son cheikh, le converti là, qui est à Lyon, et il lui a dit, il s'appelle Abdullah Penaud. Il a des traductions, je crois. Abdullah Penaud est un représentant d'une secte soufie. Et il lui a dit, Sidi, parce qu'il l'appelle Sidi, est-ce que le shir qui est à Damas, il me connaît? Le pauvre, hein, il est tellement pris dedans. Et il voit le shir comme je ne sais quoi. Il se demande, est-ce que le shir, il le connaît? Et il lui a dit, physiquement, il ne te connaît pas. Mais il connaît le secret qui est enfoui dans ton cœur. Wal'iyadhu billah. Je ne sais pas si on peut rire de ça. C'est atroce quand même. C'est atroce. Et ils font peur aux gens. Si tu as une mauvaise pensée du shir, il va t'arriver quelque chose. C'est le shir qui va te faire quelque chose. Wala yadu billah. Et ce Abdullah Penaud, il y a très longtemps, il participait à l'émission là, du dimanche matin Méconnaître l'islam. Et ils disent connaître l'islam, mais ce n'est pas vrai. Jamais personne n'a appris l'islam avec cette émission qui date depuis plus de 30 ans. Et lui, il a participé à certaines émissions et il dit, il y en a qui croient qu'Ibn Arabi, l'indéfini, comme disent les ulama, il n'y a pas d'alif lam, hein, Ibn Arabi, c'est comme ça qu'il s'appelle, on l'appelle l'indéfini, parce qu'il n'y a pas l'article. Pour ne pas l'assimiler au grand savant, l'imam al-Qadi Abu Bakr Ibn al-Arabi al-Maliki, qui est un grand savant de l'islam, qui est un tafsir du Coran, et lui c'est Al-Ibn al-Arabi avec Al-Flam. Lui il est défini, il est connu. Lui il n'est pas connu, Ibn al-Arabi. Il est indéfini. Et celui-là que beaucoup de savants l'ont taxé de mécréant, vu ce qu'il a ramené comme mécréance. Wa la yadu billah. Et il dit, et les soufis le considèrent comme le shir des shirs. C'est-à-dire chaque secte a un shir. Mais lui, c'est le plus grand shir. Il a dit, Ibn Arabi n'a pas ramené une nouvelle religion. Il veut faire comprendre aux gens, vous avez mal compris. Il ne comprend pas que nous, on a bien compris. Il dit, Ibn Arabi n'a pas ramené une nouvelle religion. C'est ses paroles. Mais il a ramené une nouvelle compréhension de la religion. C'est-à-dire, ce n'est pas la compréhension des pieux prédécesseurs. C'est quoi la différence? De ramener une compréhension qui est inexistante et de lui mettre le titre d'islam. Wal'iyadhu billah. À titre d'exemple, d'égarement dans la seigneurie, et on a bien vu que les anciens ne l'avaient pas, et je terminerai avec ça. Ils pensent que les wali participent avec Allah dans la gérance du monde. Et ils leur ont donné des endroits, parce qu'ils ont des degrés. Hein. Ils ont Al-Rawth, qui est le plus grand des wali. Ils ont Al-Qutb, c'est le pôle. C'est un haut degré de wali. Après, ils ont l'Abdel. Et chacun, de quoi il s'occupe? Hein, il s'occupe d'un continent, d'un pôle. Puis dans les régions. Et ils se réunissent une fois par an dans la grotte de Hira pour discuter de l'année à venir, ce qui va arriver. Wal'iyadhu billah. Et il y en a même qui sont vivants. Ils prétendent qu'ils y participent à ces réunions. Wal'iyadhu billah. Chez les tablirs ou chez les frères musulmans, leurs fondateurs, ce sont des soufis. Et ils sont dans ces délires. Wal'iyadhu billah. Même In'am al-Hassan, qui est mort en 1996 à peu près, il est dit de lui que dans leur marquez, parce que lui c'est l'émir du monde en Inde, à Nizamuddin, il ne priait pas avec le groupe. Parce que lui, il est dans son petit coin, il prie avec le prophète, et parfois il prie devant la Kaaba. Regardez les gens dans quel délire ils sont, subhanallah. Wal'iyadhu billah. Une fois qu'on a les yeux fermés, on a un voile, on ne peut pas voir convenablement. C'est pour ça qu'il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a enlevé ce voile et qui t'a fait sortir des ténèbres vers la lumière. La lumière ne s'achète pas même avec tous les milliards de la terre. Tayyib. Et ils disent qu'ils participent avec Allah dans la gérance du monde, wal'iyadhu billah. Et ils prétendent que les saints et les walis, ils connaissent le monde de l'ghaïb, c'est-à-dire le monde inconnu, le monde invisible, le passé, le présent et le futur. Ce qui est caché aux créatures, ils le connaissent, wal'iyadhu billah. Alors que cela est propre à Allah tabaraka wa ta'ala. Même les prophètes, ils ne le connaissent pas. Même les messagers, ils ne le connaissent pas. Même les anges, ils ne le connaissent pas. Et ils ne peuvent en parler que lorsque Allah tabaraka wa ta'ala leur donne la connaissance d'une partie de cela. Et une des caractéristiques. Vous êtes fatigué? Je termine? Tayyib. Et une des caractéristiques des croyants, c'est quoi? C'est au début du Coran. C'est quoi? Ils croient en le ghaïb. Ça fait partie de la croyance. Alif lam mim, dhalika al-kitab la rayba fi hudan lil muttaqin. C'est qui? Alladhina yu'minuna bil ghaïb. C'est une des caractéristiques des croyants de croire en le ghaïb. Subhanallah. Et Al-Ghaib est propre, sa connaissance, elle est auprès d'Allah. Allah n'a associé personne avec lui dans cela. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول. Le connaisseur de l'ghaib. Il ne donne connaissance de cela à personne, sauf celui qu'il a agréé parmi les messagers. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. Dit personne, ni dans les cieux, ni dans la terre, ne connaît le ghaïb sauf Allah. Et ils ne savent même pas quand est-ce qu'ils seront ressuscités. Et vous les voyez en train de chercher dans les magazines, dans les livres, l'astrologie. Je suis de tel signe. Donc, qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je vais gagner? Est-ce que je vais réussir? Dans les chaînes, j'essaie de trouver des chaînes où il y a des émissions astrologiques qui parlent du futur, les devins, les voyants, les médiums, les marabouts. Wal'iyadu billah. Ah, mais il a récité le Coran. Subhanallah. Il a récité le Coran et ça suffit pour croire que personne ne connaît le ghaïb. Même lui-même, il ne sait pas. Il ne sait même pas quand est-ce qu'il va mourir. Et si jamais ils connaissaient le ghaïb, ces gens-là, ils iraient tous gagner dans toutes les loteries de la terre. Ils n'auraient pas besoin de rester dans une petite chambre, hein, dans, au fond du couloir, à droite, dans un bâtiment, presque qui va tomber. On les a à Paris. Subhanallah, on sait où est-ce qu'ils habitent, ces gens-là. Et ils cherchent des clients, et ils envoient des gens avec des publicités pour que les gens viennent à eux. La première séance gratuite. Accepte la carte bleue pour quelques euros. Wal'iyadu billah. Et les gens vont vers eux. Surtout les femmes. Wal'iyadu billah. Et le pire, c'est de considérer ces gens. Ou de croire que ce sont des savants. Ou de croire que ce sont des faqirs. Loin de là, ils ne connaissent rien. Et ils font des actes de mécréance et de polythéisme. Et ils travaillent avec les démons parmi les djinns. Et les djinns ne leur rendent service que lorsqu'ils associent ces services pour service rendu. Wal'iyadu billah. Ah, mais il m'a dit d'où je venais, il m'a donné mon nom, le nom de ma mère. Comment ça se fait qu'il le connaît? Mais oui, mon petit, tu sais pas. Mais quand il lui est face à toi, il te regarde. Il a un diable avec qui il est, qui lui insuffle. Et son diable, il parle avec le tien. Tout un parmi nous, il a un diable auprès de lui. Subhanallah, chacun, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Seulement le prophète il a dit alayhi wa sallam, sauf que le mien, Allah m'a aidé sur lui et il est devenu musulman. Et il ne me pousse que vers le bien. Et chacun parmi il en a un, depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Subhanallah, ils travaillent ensemble. Ne te fais pas avoir par ce genre de choses. Wal'iyadu billah. Al-Hajj, Al-Hajja. Dans les radios et ainsi de suite. Madame Soleil, je ne sais quoi encore. Nostradamus. Ah, Nostradamus, il avait dit, va lire les signes de la fin des temps dans les hadiths authentiques du prophète. Et laisse tomber Nostradamus, wal'iyadu billah, et tout ce genre de choses. Occupe-toi de ton présent et espère en ton Seigneur pour ton futur. Et demande-lui une bonne fin. Qu'est-ce que tu veux savoir sur le futur? Je veux savoir si je vais gagner au loto. Mais le loto, c'est haram déjà à la base. T'as pas à jouer au loto, subhanallah. Donc la question n'est pas que si tu gagnes, tu gagnes pas. C'est que tu n'as même pas le droit de gratter ni de participer à des choses qui sont interdites. Wal'iyadu billah. Et donc, ils prétendent qu'ils connaissent le ghaïb, wal'iyadu billah. Dans combien de versets Allah tabaraka wa ta'ala révèle à son prophète la réponse aux questions posées par les gens parmi les musulmans et les non-musulmans de l'époque? Combien? Vous lisez le Coran. Et ça commence par Yas'alunaka. Ils te questionnent. C'est-à-dire des gens ont questionné le prophète. Et Allah, il lui donne la réponse. Ils te questionnent sur les menstrues. Ils te questionnent sur les orphelins. Ils te questionnent sur les montagnes. Ils te questionnent sur les nouvelles lunes. Ils te questionnent sur le Hajj. Ils te questionnent sur l'heure. Quand est-ce qu'elle va venir? Il te questionne sur l'âme. Il te questionne sur Dhul-Qarnayn. Et combien et combien? Il te questionne sur le butin de guerre. Combien de versets? Yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka 'anil jibal, yas'alunaka 'anil ahilla, yas'alunaka 'anil anfal, wa yas'alunaka 'anil qarnayn, wa yas'alunaka 'anil ruh. Combien et combien, combien, combien de versets? Et Allah, il lui donne la réponse. Subhanallah. Combien? Quand Jibril alayhi salam, dans le hadith long, il vient aux formes humaines. ce hadith, vous avez entendu parler d'une une pièce de théâtre faite dans la mosquée. Moi, ça va, alhamdoulilah. A'udhu billah. L'autre, là, de Brest, Rachid Abou Hudhaifa et Nader Abou Anas. Le frère au milieu qui s'est fait passer pour un égaré, il a fait taouba. Et il leur a demandé d'enlever la vidéo. Mais ils n'ont pas voulu l'enlever, la vidéo. Et ils ont dit qu'ils étaient deux contre un. Wal'iyadhu billah. Quand des gens leur ont expliqué que c'était une erreur, il y en a parmi eux qui ont dit qu'ils avaient comme preuve le hadith de Jibril. Et Jibril, il est venu en forme humaine. C'est une scène théâtrale. Wal'iyadhu billah. Qu'Allah, il nous préserve de toute forme d'égarement. Comment les gens, lorsqu'ils ont une conviction, ils vont jusqu'à déformer les textes pour légitimer leurs actions. Wal'iyadhu billah. Tayyib. Jibril alayhi salam, il vient et il pose des questions au prophète. À ce moment-là, personne ne sait que c'est Jibril. Il n'y a que le prophète qui le sait. Et il lui demande, informe-moi sur l'islam, informe-moi sur l'iman, informe-moi sur l'ihsan. Puis, il lui dit, informe-moi sur l'heure. Informe-moi sur l'heure. Qu'est-ce qu'il lui dit le prophète sallam ? Qala fa akhbirni 'an as-sa'a. Qala mal mas'ul 'anha bi'alama min as-sa'il. Il a dit, le questionné, c'est qui le questionné ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'en sait pas plus que le questionneur. C'est qui le questionneur ? Jibril alayhi salam. Jibril, le meilleur des anges. La meilleure créature au ciel. Et Muhammad alayhi salatu wa salam, la meilleure créature sur terre. À ce moment-là, personne n'est meilleur qu'eux. Et il lui dit, ni moi, ni toi ne savons cela. Mal mas'oulu anha bi'a'lama min as-sa'il. Moi, j'en sais pas plus que toi. Et les gens viennent vous donner des dates. Ah, mais peut-être que ça va arriver. Hein. Oui, le 21 décembre ou 2030 ou 2000 je ne sais quoi. Et les gens... Et celui qui n'y croit pas, mais il dit peut-être que... Non, non, non, rentrez pas dans ça. Personne ne connaît. Et ça viendra quand Allah, tabaraka wa ta'ala, l'aura décidé. Seulement, il y a des signes, petits et grands, qui nous ont été... L'information, on l'a eu du prophète, alayhi salatu wa salam. Mais l'heure en elle-même, il n'y a qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui le sait. Puis, Allah dit dans le Coran, « وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ » La ya'lamuha illahu. Et il possède les clés de l'ghaib. Ne les connaît que lui. Qala alayhi salatu wa salam, mafatihu l'ghaib khams. La ya'lamuhunna illallah. Thumma tala qawlahu ta'ala, inna allaha indahu ilmu sa'a. Wa yunazzilu l'ghaib, wa ya'lamu ma fil arham. Wa ma tadri nafsun maza taksibu gada. Wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut. Inna allaha alimul khabir. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les clés de l'ghaïb sont au nombre de 5, ne les connaît que Allah seul. Puis il récita la parole d'Allah dans le sens du verset, à Allah appartient la connaissance de l'heure, le moment de la descente de la pluie, et ce qui se trouve dans les matrices, dans les ventres des mères. Et aucune âme ne sait ce qu'elle va acquérir le lendemain, et aucune âme ne sait sur quelle terre elle va mourir. Un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il entend une femme, une servante, contente de revoir le prophète revenir d'une bataille victorieux. Et elle dit, « Wa fina nabiyun ya'lamu ma fi ghadi. » Et parmi nous se trouve un prophète qui sait ce qui se passe le lendemain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, « La taquli hadha, la ya'lamu l'ghaib illallah. » Ne dis pas cela, ne connais le ghaib que Allah subhanahu wa ta'ala. Je m'excuse, je me suis un peu attardé, ce n'est pas de mon habitude. Inch'Allah, d'habitude j'essaie de ne pas dépasser une heure. Là je crois qu'on a fait une heure et demie. Voilà, Inch'Allah, vous m'excuserez pour cette gêne. Wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.